Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le vendredi 4 février 2022, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris. Nous sommes en direct, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et aujourd'hui ça va de nouveau être une édition de Fréquence Libre un peu particulière car mon invité ne peut être disponible que 15 minutes car elle est beaucoup prise. Donc pour faire une émission d'une heure, je partagerai quand même d'autres informations seules après ces 15 minutes et je vous passerai du coup aussi quelques billets de sortie si on a le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle édition de Fréquence Libre, je reçois par téléphone Claire Elsler, chef pâtissière, qui est là pour nous parler de son parcours. Donc bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Ah bah très bien, et vous? Bah ça va bien, merci. Déjà, votre nom de famille, Elsler, Elsler? Eisler, oui. Eisler, c'est. Ok, parfait. Donc du coup, avant de commencer, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Claire Eitzler. Je suis originaire d'Alsace, d'un petit village qui s'appelle Niedermorschwihr. Je suis pâtissière de métier. Hein. J'ai toujours eu cette passion pour le sucré, pour les métiers de bouche. Et j'ai fait une formation à l'école hôtelière et ensuite en apprentissage chez Thierry Mulock à Strasbourg. J'ai ensuite eu l'occasion de voyager et d'aller travailler chez Michel Troisgros à Roanne, ensuite chez Monsieur Georges Blanc à Vonas. Et puis j'ai eu envie de partir à l'étranger pendant quelques années, où je me suis retrouvée un peu par hasard à Londres. Puis au Japon, où j'ai travaillé pour Monsieur Ducasse pendant 3 ans. Ensuite à Dubaï, où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour le groupe Hayat. Avant de rentrer en France en 2010, où j'ai été chef pâtissière du Ritz, ensuite chef pâtissière du restaurant La Serre. J'ai ensuite travaillé chez La Durée, où j'étais directrice de la création sucrée. Et maintenant, depuis un peu plus de 2 mois, je suis à mon compte dans ma pâtisserie à Levallois-Perret. Voilà, donc Levallois-Perret, je vais peut-être dire une bêtise, mais tant pis, je l'ai dit quand même, en région parisienne. Oui, tout à fait, okay. En région parisienne, vraiment dans la petite couronne parisienne. D'accord. Et donc, du coup, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, j'imagine que vous avez fait des études de pâtisserie dans un lycée hôtelier. Tout à fait. J'ai d'abord démarré par la cuisine pendant 3 ans à Guébillère, dans un lycée hôtelier, parce que j'étais vraiment intéressée par les métiers de bouche, sans être sûre que ce soit la pâtisserie vraiment qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai commencé par la cuisine. Et après mes études en cuisine, j'ai fait une spécialisation en pâtisserie pendant 2 ans en apprentissage, cette fois-ci, chez Thierry Mulock à Strasbourg. Voilà. Donc du coup, on va détailler un petit peu pendant ces 15 minutes votre parcours. J'allais dire un peu plus en détail, mais ça aurait fait répétition, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Donc une année plutôt importante dans votre vie, du coup, c'est l'année 1996. 1996, alors attendez, parce que là vous me faites revenir vachement en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 1996? Je regarde en même temps, parce que j'avoue que j'ai pas forcément noté. Donc 1996, je regarde. Vous avez été élu, enfin vous êtes devenu meilleur apprenti d'Alsace. Ah oui, oui, effectivement. Oui, effectivement. Oui, je travaillais à l'époque donc à Strasbourg et les meilleurs élèves de chaque CFA avaient la possibilité de participer à ce concours et j'ai effectivement gagné le concours de meilleur apprenti d'Alsace. Voilà. Et donc ensuite en 2004, vous en avez un petit peu parlé, vous avez été contacté par Alain Ducasse pour entrer au Plaza Athénée, mais vous n'avez finalement pas pris le poste. Oui. Alors ça, c'est une grande étape de ma carrière. Effectivement, le groupe Ducasse m'avait proposé une place au Plaza Athénée et puis j'étais pas tout à fait je me sentais pas en fait d'aller là-bas. Donc j'ai pas accepté le poste. Hein. Je crois que c'est important d'être aligné entre ce qu'on a envie de faire et ce que l'on fait. Bien sûr. Et quelques mois plus tard, Monsieur Ducasse me rappelle pour me proposer un poste de chef pâtissière au Japon, où il ouvrait un nouveau restaurant en partenariat avec la marque Chanel. Et là, je me suis dit, ben, Monsieur Lucas, on va pas lui dire non deux fois. Donc, donc voilà, sans trop envie de partir au Japon, ben, j'ai accepté ce poste parce que je savais que c'était une bonne opportunité pour moi, que j'allais beaucoup apprendre et que ça allait être déterminant pour ma carrière. Mmh, donc du coup, au Japon, à Tokyo, donc la capitale du pays. Et ensuite, après, donc, vous êtes resté combien de temps, du coup, à Tokyo ? Trois ans à Tokyo. 3 ans, d'accord. Et ensuite, l'année suivante, pas forcément, mais ensuite, vous êtes parti du coup à Dubaï. Oui, oui, oui. Après trois ans au Japon, c'est vrai que j'ai eu envie de découvrir autre chose, de bouger. Et puis, j'avais fait un petit peu le tour de mon poste au Japon. Et j'avais aussi envie de superviser une pâtisserie un petit peu plus grande que simplement un restaurant. Donc, je voulais une place dans un hôtel. Et je suis partie à Dubaï pour le groupe Hyatt, plus précisément pour la chaîne d'hôtellerie le Parc Hyatt, qui est le haut de gamme du groupe. Mm-hmm. Et je suis restée là-bas pendant 2 ans. 2 années très enrichissantes, parce que c'est le genre de pays où on travaille avec plein de nationalités différentes. Moi, je me souviens, en pâtisserie, il y avait 11 nationalités différentes dans mon équipe. Et ça m'a beaucoup appris. Travailler avec différentes cultures, vraiment, ça ouvre l'esprit et je sais que ça m'a beaucoup apporté. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Bien sûr, j'imagine. Et donc, du coup, ensuite, une autre année importante dans votre vie et dans votre carrière, cette fois-ci, c'est une année, on va dire, plus proche, l'année 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 pour vous ? Alors, 2015, je pense que j'ai été élue chef pâtissière de l'année. En faisant mes recherches, c'était chef de la création sucrée. Ah oui, oui, ça aussi, effectivement. Oui, alors 2015, j'ai pris le poste de chef de la création sucrée chez La Durée. Mm-hmm. Poste assez intéressant parce que La Durée étant une entreprise très présente, une pâtisserie très présente à l'international, moi ça me permettait de mettre à nouveau à profit les années que j'ai passées à l'étranger et de pouvoir créer des pâtisseries adaptées à la clientèle japonaise, à la clientèle du Moyen-Orient, à la clientèle américaine. Et c'est vrai que travailler dans ce sens-là, en m'adaptant aux cultures de ces différents pays, je trouve ça très enrichissant et ça m'a beaucoup plu. Bien sûr, j'imagine. Et donc, ensuite, du coup, voilà, est-ce que vous proposez du coup des formations à la pâtisserie ou pas encore, ou pas forcément ? Alors, j'en ai beaucoup fait parce qu'entre ma période chez La Durée et donc mon installation, l'ouverture de ma boutique, j'ai eu 2 années où j'ai fait du consulting. Donc, beaucoup de formations pour des professionnels, beaucoup de création de cartes pour les professionnels, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, des cours de pâtisserie, surtout pour des pâtissiers, des restaurateurs et des hôteliers. Donc oui, j'en ai beaucoup fait. Là, je vous avoue que comme je viens de m'installer, la priorité, ça reste ma pâtisserie et j'en donnerai des cours un petit peu plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Bien sûr. Donc oui, donc justement, votre pâtisserie, on peut peut-être en dire quelques mots. Donc vous l'avez ouverte il y a tout récemment, donc il y a 2 mois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Début décembre. Voilà. Du coup, c'était vraiment une volonté pour vous, comme vous l'avez dit, de vous mettre à votre compte. Oui, oui, oui. Ça fait. En fait, j'étais en faisant du conseil. Alors autant le conseil, le consulting, c'est très intéressant, mais j'étais un petit peu frustrée de ne plus pouvoir faire déguster mes pâtisseries aux consommateurs. Et pour autant, j'ai jamais vraiment eu envie de m'installer auparavant. Peut-être parce que je suis issue du milieu de la restauration et que j'ai l'habitude de travailler vraiment à l'instant T, à flux tendu. Et le concept traditionnel d'une pâtisserie avec la vitrine réfrigérée qu'on trouve habituellement dans les boutiques m'a toujours un petit peu bloquée. D'accord. Et lors du premier confinement, quand tout s'est arrêté, puis que moi personnellement j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, et notamment en observant l'évolution des modes de consommation dans les milieux de bouche, où on a pu voir beaucoup de restaurateurs qui ont fait du click and collect, la clientèle qui est de plus en plus sensible au circuit court, aux produits français. Et ben, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de commercialiser mes pâtisseries différemment qu'en ayant une boutique physique. Et de ce fait, j'ai créé un site internet où vous pouvez découvrir mes pâtisseries et vous pouvez commander mes pâtisseries donc sur ce site. Moi, j'ai un laboratoire de pâtisserie à Levallois avec un petit espace click and collect et les clients viennent récupérer leurs commandes directement au sein du laboratoire. Moi, ça me permet de travailler des produits vraiment sur commande, un petit peu comme en restauration en fait, de cuire les tartes au fur et à mesure de la journée, de proposer vraiment des pâtisseries très fraîches qui sortent du four et de travailler avec des produits de qualité. Parce que dans mon entreprise, je voulais pouvoir valoriser le terroir français, les producteurs français. Des producteurs avec qui je travaille depuis des années et à qui je suis très attachée. Et le fait de travailler comme ça à flux tendu, et ben ça me permet de pouvoir respecter leurs produits, de limiter le gaspillage alimentaire et de travailler en fonction de ce qu'eux, ils ont de disponible au quotidien. D'accord. Et donc, du coup, il y a récemment, ma collègue Lia, du coup, à qui je passe un petit bonjour, a reçu le meilleur ouvrier de France, pâtissier confiseur 2018-2019, Jonathan Mougel. Donc, est-ce que vous le connaissez ou pas? Oui, je vois qui c'est, tout à fait. Voilà, bah, c'est un de vos collègues, un petit peu, même si lui, c'est plus la pâtisserie en elle-même, lui, c'est pâtisserie confiserie. Donc, oui. Vous ne faites que la pâtisserie ou également la boulangerie? Alors non, je fais de la pâtisserie, je fais des cakes et des gâteaux de voyage et je fais également de la glace. D'accord, donc quelque part le terme généraliste du coup c'est pâtissière, enfin chef pâtissière du coup. Oui, tout à fait. D'accord. Donc du coup il va être 14h13, donc comme cette émission est un petit peu particulière, nous allons déjà devoir nous quitter Claire, car vous avez votre boutique à gérer, donc vous êtes très prise par le temps, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous parler un petit peu de votre parcours de chef pâtissière. Du coup, je vais nous lancer dans une première pause musicale. Donc est-ce que vous avez comme ça rapidement une musique que vous avez envie que je passe pendant cette émission, ou est-ce que vous me laissez le choix libre? Ah là, vous me prenez un peu de cours, je vais vous laisser la main. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, bah du coup, je vais lancer Brice Conrad avec son titre « Lequel de nous deux ?» Est-ce que ça vous parle ou pas? Ah bah parfait, très bien. Ok, nickel. Donc du coup, je vous remercie, je vous récupère au téléphone juste pendant cette pause musicale. Et puis du coup, voilà, on vous souhaite du coup une bonne continuation et à bientôt du coup. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Entre les larmes, c'est dur de vivre autant avec cette pluie de drames. On va encore prendre des coups, se faire cueillir l'âme par de simples voyous, des regards vides mais de l'amour autour de nous. La mort est la déride devant le rire de notre foule. On fait la guerre à coups, je t'aime. Levons-nous vers notre jeunesse et d'aide. When you will smile, don't baby cry. Lequel de nous deux vit sur une étoile. When you will fly, tu es mon étoile. Visage contre terre, le temps d'une nuit, comme une longue soirée d'hiver, perdue dans l'abîme, mais à jamais debout, des rêves pleins le cœur, nous serons au rendez-vous. When you will smile, don't baby cry, lequel de nous deux vit sur Et du coup, voilà pour Brice Conrad avec son morceau « Lequel de nous deux ?». Donc, je n'ai pas donné les références avant de la lancer, mais je peux les donner maintenant. Donc, c'est un morceau, du coup, comme vous l'avez entendu, c'était un morceau plutôt typé pop-rock français. C'est un morceau sorti en 2017 et issu de l'album intitulé « 2 », comme le chiffre, mais c'est même le chiffre « 2 » de Brice Conrad. Album sorti le vendredi 13 janvier 2017. Il s'agit, comme le titre l'indique, du deuxième album du chanteur. Le premier étant « La nuit bleue », album sorti le lundi 4 mars 2013. Voilà. Donc, du coup, pendant cette pause musicale, j'ai échangé encore pendant quelques secondes avec mon invité du jour, donc Claire Eisler, voilà, qui est, du coup, vu qu'elle était beaucoup prise, voilà, comme convenu, cette entrevue a duré à peu près un quart d'heure, donc voilà. Mais je vais continuer, du coup, à vous parler de sa carrière, voilà, pour détailler un petit peu, voilà, comme ça, c'est entre vous et moi, chers auditrices et auditeurs, donc voilà. Donc, du coup, On va poursuivre. Voilà, donc du coup, Claire Eisler nous l'a dit, quand elle était présente, du coup, que du coup, elle a travaillé dans trois grosses pâtisseries. La pâtisserie Trois Gros, la pâtisserie Georges Blanc et la pâtisserie Jean-Paul Abadie. Donc pour d'autres infos complémentaires, donc Trois Gros, c'est une entreprise de restauration et d'hôtellerie française dont l'établissement principal est situé à Ouche, dans la Loire. C'est un établissement 3 étoiles au guide Michelin 2020 et noté 4 toques au Goethe Emilio, un guide gastronomique français fondé en 1972 par Henri Goethe, journaliste, chroniqueur et critique gastronomique français, et du coup Christian Milo, journaliste, grand reporter, écrivain et critique gastronomique français. Et le guide Michelin, bien sûr, tout le monde connaît le guide Michelin, ce célèbre guide en fait, voilà, qui recense les meilleurs restaurants à l'intérieur de ce guide, du coup. Voilà, du coup, Claire Eisler a également travaillé dans la pâtisserie de Georges Blanc, donc chef cuisinier, restaurateur et hôtelier français. Il a eu 3 étoiles au guide Michelin en 1981 et a eu 4 toques au Goethe Emilio. Également, mon invité a également travaillé dans la pâtisserie de Jean-Paul Abadie, un grand chef cuisinier français, 2 étoiles. Voilà, au guide Michelin et 5 toques au Goethe Emilio. Voilà, vraiment, le guide Michelin et le Goethe Emilio sont vraiment les deux, on va dire, les deux ouvrages, si on peut dire, de référence dans le monde de la cuisine et de la pâtisserie. Voilà. Ensuite, donc Claire Eisler a continué du coup son apprentissage dans les années 90 sous l'aile de Thierry Mulot, comme elle nous l'a dit. Mais du coup, qui est Thierry Mulot? Donc c'est un chocolatier pâtissier alsacien qui fait partie de l'association Relais Desserts International. Thierry Mulot est issu d'une famille travaillant dans le monde de la boulangerie depuis 5 générations. Enfant d'ailleurs, il aidait déjà ses parents à la boulangerie familiale de Mersheim, près de Colmar, avant de s'orienter vers la pâtisserie, devenant lui-même meilleur apprenti pâtissier de France en 1980. À l'âge de 18 ans. Voilà. Ensuite, on n'a pas forcément eu du coup l'occasion d'en parler avec mon invité quand elle était présente au téléphone, mais dans sa cuisine, dans ses plats, bien qu'elle nous en ait dit un petit peu quelques mots, dans sa cuisine du coup et dans ses plats, Claire Heisler a plusieurs valeurs. La précision des plats, équilibrer les saveurs pour en avoir de diverses et variées en bouche, avoir une démarche responsable et éco-responsable dans notre vie et notre environnement, car du coup on sait tous à quel point c'est de plus en plus important d'être responsable et éco-responsable dans notre vie et dans notre environnement. Voilà, donc Claire Heisler cherche également en permanence d'autres ingrédients, découvrir de nouveaux accords entre les ingrédients tout en restant naturelle et fidèle à elle-même avec sincérité et élégance tout en allant à l'essentiel. Voilà. C'est vrai que découvrir de nouvelles valeurs, de nouvelles saveurs, pardon, de nouveaux accords, c'est un voyage gustatif, si on peut dire. Donc, c'est vrai que j'imagine que c'est très, très intéressant pour, du coup, pour les pâtissiers, voilà, de découvrir de nouvelles saveurs, de proposer de nouvelles saveurs, de nouvelles pâtisseries, de nouveaux goûts, voilà, à leurs visiteurs, à leurs clients. Voilà. Et comme nous l'avons dit un peu plus tôt dans cette émission, du coup, Claire Heisler propose également d'apporter son expertise, de transmettre ses valeurs, de créer et de développer de nouvelles recettes à travers des conseils et de la formation, comme elle nous l'a dit. Elle en a fait un petit peu avant, du coup, de se mettre à son compte. Du coup, maintenant, vu qu'elle a ouvert sa propre pâtisserie en décembre, voilà, il y a 2 mois, ça peut se comprendre qu'elle ait mis la formation de côté, mais comme elle l'a dit, elle va reprendre la formation quand ça ira mieux, quand elle sera bien mise en place, quand sa pâtisserie sera bien mise en place, quand elle aura bien les pieds dans sa pâtisserie et que du coup, que quand sa pâtisserie aura un certain succès, car je ne doute pas que la pâtisserie aura du coup un succès. Voilà. Ensuite, une chose qui mérite d'être soulignée aussi, j'estime, c'est que Claire Heisler propose une pâtisserie de saison. Car en effet, nous savons toutes et tous que c'est important de manger de saison pour un corps en bonne santé. Claire Heisler prône également la proximité, les produits de saison et la biodiversité afin de faire évoluer son métier vers une pâtisserie plus responsable et plus vertueuse. Elle travaille avec des producteurs qu'elle affectionne, avec qui elle collabore depuis plusieurs années déjà, pour sourcer des matières premières à la fois goûteuses et responsables. Car il n'est pas impossible de bien manger, de se faire plaisir aux papilles tout en respectant l'environnement. Donc pourquoi se priver de faire les deux? C'est une question que je vous pose. Voilà. La pâtisserie, c'est avant tout un plaisir gustatif. Donc si on peut se faire plaisir et en plus, du coup, respecter l'environnement, la biodiversité, eh bien c'est tant mieux. Voilà. Ensuite, à partir de ces ingrédients de qualité, il faut le dire, elle laisse parler sa créativité pour imaginer des tartes, des cakes, des gâteaux de voyage et autres desserts glacés, pardon, tels que ce gâteau de l'amitié au yuzu. Le yuzu, c'est un agrume très parfumé, originaire de l'Est de l'Asie, également appelé citron du Japon, ou encore cette tarte aux figues et à la rose. Voilà, deux saveurs qui se mélangent, ma foi, plutôt bien, j'imagine. Quelques produits d'épicerie sourcés avec soin et amour viennent aussi compléter cette offre, comme ces mandarines pochées au poivre de Timut. Qu'est-ce que le Timut? Donc le Timut, c'est un poivre originaire des hauts plateaux du Népal, principalement présent à l'état sauvage, dans la chaîne montagneuse du Mahabharat. Aussi appelée baie de Timur, elle est souvent surnommée poivre pamplemousse en raison de son parfum acidulé. Claire Heisler, du coup, nous propose également une marmelade, de yuzu à la vanille. Et du coup, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qu'un gâteau de l'amitié, un gâteau de voyage, pardon. Eh bien, écoutez, on va regarder ça ensemble en direct à 14h24. Voilà, donc gâteau de voyage, car moi-même, je l'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc on regarde. Alors, un gâteau de voyage, c'est... Du coup, les gâteaux de voyage, on pourrait définir ces gâteaux par des plaisirs sucrés qui s'emportent et se conservent facilement sans craindre des écarts de température. Ils sont réalisés à partir d'une pâte à cake classique et agrémentés de miel, de chocolat, de citron, de noix, de fruits secs ou encore de fruits confits. Voilà pour ce qui est un gâteau de voyage. Ensuite, vous vous demandez du coup peut-être quel est l'ADN des pâtisseries de Claire Heisler. Eh bien, c'est simplement de se concentrer sur le goût, d'aller à l'essentiel, sans chichi, comme c'est marqué sur son site internet. De plus, vous pouvez soit commander et récupérer votre commande dans la maison Heisler et producteur à l'adresse 9 rue du Parc, 92-300 Levallois-Perret, pardon, ou alors vous faire livrer directement chez vous afin de déguster ses parfums et ses saveurs. Voilà, cependant, Je vous conseille, nous vous conseillons de consulter la liste des villes desservies par le service de livraison de la maison Heilsler et producteur pour être certain de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et vous pouvez voir tout ce que Claire Heilsler propose, les services de livraison et également les villes desservies, à l'adresse suivante que https://www.pâtisserie-claire.com/, donc pâtisserie sans accent, voilà. Je répète, https://www.pâtisserie-claire.com. Pâtisserie, donc P-A-T-I-2-S-E-R-I et tiret-claire, C-L-A-I-R-E. Voilà. Maintenant, peut-être que vous demandez quelle est la spécificité de Claire Heilsler. Eh bien, que nous en ayons déjà parlé, c'est de concilier le beau et le bon au travers de ses créations, tout en respectant les saisons, la nature et les hommes qui en prennent soin pour se faire plaisir autant gustativement que visuellement. Car oui, il est possible d'allier le beau et le bon. Voilà, c'est ça, c'est pas beau justement. Donc voilà, il est 14h26, cette émission ne fera peut-être pas une heure pile. Parce que du coup, parce que c'est vrai que en étant seul à l'antenne, c'est difficile de tenir du coup une heure complète sans interlocuteur. Voilà. Et puis j'avoue que j'ai pas l'habitude de parler tout seul au micro comme ça. Mais du coup, avant de poursuivre tout ça, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence musicale. Voilà. Nous allons écouter un autre artiste du coup de mon choix, un autre artiste que j'apprécie beaucoup, c'est Antoine Elie et son titre Nuit Tranquille. Pour donner les quelques références à nouveau, c'est à nouveau un morceau plutôt typé pop française. Il est issu de l'album Roi du Silence de Antoine Elie, album sorti le vendredi 15 février 2019. Voilà, donc on écoute Nuit Tranquille de Antoine Elie et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Plein cœur d'un putain d'embouteillage. Je reste planté là, sous les vents de la ville. Je balance mon cœur sensible au bord de la foule et je lui rends des larmes. Je sens que je vais pas garder mon calme. Y'en a qui me regardent mal. Je sais que l'amour c'est pas gratuit, mais je suis pas un putain d'imperméable. Je suis pas là pour faire les pompes ou laver les carreaux. J'ai de quoi me faire un garrot. Je suis là pour qu'on me paye à boire. Je veux passer la nuit tranquille. Passer la nuit tranquille. Je vais me taper des bars en ville. Pour passer la nuit tranquille. Si je tremble, c'est pas le froid, je sens rien. C'est pas de l'effroi, c'est bien. Le corps s'exprime encore après toutes les morts qu'il a traversées. Je reste planté là, sous les gens de la ville. Allongé près d'un bar, à regarder les verres se renverser. Je sens que je vais pas rester au calme. Y'en a qui me regardent mal. Crient de plus en plus fort en tendant leurs doigts pour me caresser. Je suis pas là pour faire la plonge ou plaire à des blaireaux. J'ai de quoi me faire un garrot. Je suis là pour que tu me payes à boire. Je veux passer la nuit tranquille. Passer la nuit tranquille. Je veux me taper des bars en ville. Pour passer la nuit tranquille. Passer la nuit tranquille, passer la nuit tranquille. Oh. Je vais me taper fort dans l'envie, pour passer la nuit tranquille. Je marche sur le sol blanc comme moi, autour d'un banc pour pas finir en tas de glace. Imaginez qu'un enfant me voit. Je peux pas me planter là. Je suis tout seul dans la ville. Je sens les secondes s'aligner comme des coups de couteau dans mes doigts. J'ai parlé au froid. Pourquoi tu me fais mal? Tous les deux on fait fuir. On est comme des âmes sœurs, enlace-moi. Je suis pas là pour faire la guerre. C'est vrai que je me bats trop. J'ai de quoi me faire un garrot. Et t'as rafraîchi mon verre. Je vais passer la nuit tranquille. Passer la nuit tranquille. Je vais y laisser ma vie. Passer la nuit tranquille. Oh, je vais passer la nuit tranquille. Passer la nuit tranquille. Oh, je vais y laisser ma vie. Passer la nuit tranquille.

les quelques infos complémentaires, les quelques références. Donc c'est un morceau sorti le 20 mai 2016 et tiré, c'est de la variété française, tiré de l'album À bout de rêve de Slimane. Du coup, c'est son premier album, est sorti le 4 juillet 2016. Voilà. Donc on écoute Paname de Slimane, on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles. Le lendemain à l'école dans la cour, je disais poteau, passe-moi la balle. Maman me disait fais tes devoirs, je lui répondais attends de voir. Je lui faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris je chanterai que je l'aime. Paname, Paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. J'attends le train pour Paris. Sur la tête, mon bonnet. Des idées sur la vie. Là-bas, les gens se foutent de tout, de tout. Dans les bars, ils boivent des coups à la santé de tous leurs amours, qui bien sûr dureront toujours. Paname, Paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Moi aussi je veux me foutre de tout. Dans les bars, aller boire des coups. Oubliez qu'après le périph, la vie est un peu plus triste. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname de Slimane sur Radio Gamozo. Vous êtes donc de retour. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/ ou sur notre application mobile et web Orange Radio. Partout en France et dans les pays frontaliers. Voilà, il est 14h58. Mais avant de nous quitter, j'avais envie de vous partager une petite nouveauté que j'ai eu envie d'instaurer tous les vendredis, l'anecdote de la semaine. Donc chaque vendredi, je vous partagerai une petite anecdote originale sur des faits historiques ou sur des objets du quotidien, par exemple. Et cette semaine, on commence par le jeu de 52 cartes à jouer. Je pense qu'on a toutes et tous déjà joué aux cartes. Voilà. Donc, est-ce que vous saviez que le jeu de 52 cartes à jouer est basé sur notre calendrier grégorien ? En effet, le monde a connu deux calendriers différents. Le calendrier julien, introduit par Jules César, d'où son nom, et le calendrier grégorien, adopté par Grégoire XIII. Donc, pourquoi 52 cartes, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement, car il y a 52 semaines dans une année, les 12 figures, donc les 4 rois, les 4 dames et les 4 valets, sont basées sur les 12 mois de l'année et les 4 couleurs. Donc dans un jeu de cartes, les couleurs ce sont le trèfle, le pique, le carreau et le cœur pour les 4 saisons. Voilà, c'était la petite anecdote de la semaine. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Même si elle n'est plus au téléphone avec nous, je remercie une nouvelle fois Claire Heisler pour ses quelques minutes d'intervention. Cette émission sera rediffusée demain, samedi à 18h, avec le podcast peut-être sur postez sur notre page Facebook et sur notre site internet. Demain, vous aurez également le droit à la rediffusion de À la rencontre d'auteurs du 22 janvier à 13h30, dans laquelle je recevais par téléphone Maud Viotti, qui était là pour nous parler de son ouvrage intitulé Ma douce Eugénie. Nous, on se retrouve lundi à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Serge Lacquenaire, musicien, qui sera là pour nous parler de son métier de musicien et d'un ouvrage pour apprendre à fabriquer ses instruments et ses objets sonores qu'il a sorti tout récemment. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Gamozo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon week-end, je vous dis à lundi et salut et à lundi.